Direction, je connais que la flèche de mon hanche. Motivation sans de fils de pute sur mon linge. Je connais la chanson, sale négro, rentre chez vous. Billet de 500, sale négro, bien fiché. Je suis plus dans le tiers car Castéo de Sao Georges. Je tire sur un pétard, c'est la violence, mot de gorge. J'ai quitté le terrain, dealer, parfois tu nous manques. A dit la putain que je baisse pour un jet d'eau là. C'est toujours d'un négro, qu'importe, c'est toujours d'un. Même dans la déchance, on sort ton pas de crème fraîche. Ça tire la nuit, ça tire la plume, ça tire le jour. Tellement de guerre, mon peuple est mort à qui le tour. Ouais, c'est bien une chose que je sais faire, c'est niquer les mères. Coup cette pierre, les uns dont père, pour calmer les nerfs. Je crois pas que ton boule fera l'affaire, ta bouche peut le faire. Jambes en l'air, un volontaire, mon lobby est vert. Oseille, ouais. Les hommes montent, mais pas la trique, viens, je vais la vérité. Prends exemple sur ma bite noire et prête à tout niquer. Ça fera toujours pour le fric, dis pas je t'aime pour ce que t'es. Le succès c'est quand les flics t'arrêtent que pour discuter. Un seul qui salue j'y vais, cuit bronzé c'est pas des UV. 300 000 E je me tâte lambeau ou l'immobilier. A jamais je me ferai liquer, je finirai comme l'infinité. De gosse de riche à la rue, y'a que la tôle que j'ai su éviter. Toujours là à faire la pute, mais rien dans l'intimité. J'monte de level dans les nudes, de gens sans de compte certifié. Faire du sale en tantinet, tout est noir donc tout y est. Tout est noir donc tout y est. Sire bien une chose que je sais faire, c'est niquer les mères. Gosse d'herbe et un don père pour calmer les nerfs. J'crois pas que ton boule fera la fin.